Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, retour à l'été 2021. Et cette réapparition, c'est le terme employé par les ayants droit de Céline, d'un ensemble des manuscrits de l'auteur. Réapparition rocambolesque, vous allez y revenir. Ces manuscrits représentent pas moins d'un mètre cube de papier. Céline les a abandonnés à l'été 1944. Il craint alors la libération et fuit Paris pour l'Allemagne. Il laisse les feuilles dans son appartement, en haut d'une armoire. Et aujourd'hui, 5 mai 2022, est publié le premier de ces manuscrits. La suite est annoncé pour les 2 ans qui viennent. Alors j'aurais pu vous parler des quelques 250 feuillets de guerre qui sont maintenant disponibles. 6 séquences, le récit de la blessure reçue par Céline en octobre 14 sur le front belge et la suite. Mais l'entretien d'Henri Godard dans le Figaro m'a fait sursoir. Godard, c'est l'un des responsables de l'opération publication chez Gallimard. Il explique que ces pages, pourtant rédigées après le voyage au bout de la nuit, sont presque laborieuses. Céline est conscient de ce à quoi il veut arriver. L'écriture ne serait pas encore en place. Alors du coup, j'ai préféré vous rappeler les circonstances de la découverte de ces textes, parce que c'est plus romanesque. Alors premier personnage, les ayants droit qui président à cette édition. Alors Madame Céline, d'abord, c'est une femme qu'on se souvient, comme dirait son mari. Lucette, extravertie, généreuse de son temps, a longtemps enseigné la danse dans le pavillon délabré du couple à Meudon. Elle est morte à 107 ans, 2019. Véronique Chauvin-Robert, l'une de ses anciennes élèves, est la première des ayants droit. Et le second, c'est l'avocat François Gibault, maintenant nonagénaire, crâne lustré, silhouette de cavalier apparemment. Un ascète, sa famille possédait le cinéma La Pagode, il y aurait volontiers vécu en robe de mandarin ou en professeur de yoga. Mais il a eu tant d'autres existences qu'il évoque dans des livres composés comme des musées lapidaires. Juste pour vous étonner, hein, Jacqueline, il a été le compagnon, écoutez bien, du mari de François Sagan, j'ai bien dit, et le protecteur du fameux boys band de la fin du dernier millénaire, les To Be Free, on le surnommait le To Be Four. Le boys band a même pris des cours de danse chez Madame Céline. Non. Ouais. Alors au sujet des manuscrits, il parle, lui, dans l'avant-propos qu'il donne à Guerre de découverte. Découverte venue d'un outsider étranger aux études céliniennes. Oui, un homme issu d'un tout autre milieu, un ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat. Alors si on en croit sa version de la découverte, Thibaudat aurait reçu les manuscrits des mains d'un lecteur de son journal qu'il ne veut pas identifier. Appartenait-il ce lecteur à la famille d'un certain Rosimbly, FFI d'occasion, réputé avoir visité l'appartement de Céline après la Libération? Secret des sources du journaliste, objecte Thibaudat. Ce lecteur lui aurait demandé de garder les manuscrits au secret jusqu'à la mort de Madame Céline, qui ne voulait pas enrichir. Thibaudat a classé les documents, les a transcrits, tout ça dans la plus grande discrétion, sans tirer de profit commercial de son travail. Son intention était de les remettre à un établissement public et son désir d'être associé à leur édition critique. Après le décès de Madame Céline, il est allé voir un avocat bien connu, Emmanuel Pierrat. Les deux hommes ont rencontré des ayants droit, mais rapidement les choses ont tourné vinaigre. Les ayants droit, qui ne pouvaient que l'emporter au nom du droit de propriété, ont obtenu que les manuscrits leur reviennent. Ils ont été déposés au siège de la police spécialisée en la matière. 3 sacs Carrefour pleins. Le vocabulaire utilisé pour raconter cette affaire mérite aussi notre attention, Jean. Oui, parce que c'est à se demander si celui de Céline ne contamine pas tout l'espace aujourd'hui. Thibaudat deviendrait presque un malfaiteur. Ce Thibaudat, écrit le Figaro. Tandis que son ancien journal, Libé, ne se soucie guère de le défendre. Alors moi, je voudrais rappeler qu'il a été un des rares vrais critiques de théâtre de son époque. Un long moment, correspondant incomparable à Moscou. Il disait qu'en Russie, il n'y a pas de province, mais l'infini. Qui d'autre que lui pouvait nous faire prendre le train de Khabarovsk à Komsomolsk sur Amour? Il y fallait de la vertu républicaine et il n'en manque pas. Et je voudrais aussi rappeler un fait. Parmi ceux que Céline avait soupçonné de pillage, il y eut Yvon Moranda, compagnon de la Libération. Il avait en effet bénéficié de l'usage de l'appartement de Céline, justement réquisitionné. Il a proposé à l'écrivain en exil de lui restituer d'autres papiers qu'il y avait trouvés. Il a pris soin de transférer ses affaires au garde-meuble. Et qu'a dit Céline, qui le traitait de colonel Moïse, parce que pour Céline, un résistant était nécessairement un juif. Le colonel Moïse a conçu un enfant dans mon lit et il a refusé toutes ses propositions. Les juifs spoliés pendant l'occupation n'avaient pas fait nécessairement l'objet d'autant de sollicitude. Guerre, donc, de Céline qui paraît chez Gallimard dans une édition établie par Pascal Fouché. Merci Jean Lebrun. France Inter.